troisième temps de notre série d'émissions sur mai 68 dans la Fabrique de l'Histoire, alors que le week-end prochain, France Culture et le Centre Pompidou organisent à Paris une grande manifestation habituelle désormais qui s'intitule Imagine et titrée cette fois-ci L'Esprit de mai. Lundi, nous vous avons parlé des mouvements de 68 en région, à Marseille, à Lyon ou encore en Bretagne. Hier, notre documentaire vous a raconté la longue, très longue grève de l'ORTF en 1968. Demain, nous nous demanderons ce que fut la réaction gaulliste à mai-juin 68. Et aujourd'hui, nous nous intéresserons à la place des femmes dans le mouvement de mai-juin 68 et après, évidemment, avec la naissance de ce qu'on appelle le féminisme de la seconde vague. Avec trois invités, Bibia Pavard, elle est maîtresse de conférence à l'Institut français de presse à Paris 2. Elle vient tout juste de publier dans la collection Que sais-je, un titre très simple, mai 68. Julie Pagis sera également avec nous. Elle est sociologue au CNRS. À l'IRIS, elle est auteure de mai 68, un pavé dans leur histoire, événements et socialisation politique, paru aux presses de sciences politiques en 2014. Et elle participe également à un ouvrage collectif auquel participe évidemment aussi notre troisième invitée, Camille Masclé. Elle est sociologue à Paris-Nanterre. Et cet ouvrage collectif s'intitule « Changer le monde, changer sa vie », enquête sur les militantes et militants des années 68 en France. Le pouvoir militant à la fac, c'était un pouvoir tenu essentiellement par les garçons. Et je voyais bien que si je voulais avoir un peu d'emprise sur les choses, il fallait se séparer de ces militants, d'autant qu'ils n'étaient pas du tout féministes. Vu la conscience politique que j'avais, je n'avais pas le vocabulaire, pas de formation politique, j'étais passée ni par les JC, ni rien. Donc si j'allais dans un parti, je me ferais écraser, ça me semblait tellement évident. Voilà un témoignage que vous reconnaissez peut-être. Julie Pagis, bonjour. Bonjour. C'est un témoignage que l'on a tiré de votre ouvrage, Mai 68, un pavé dans leur histoire. Un témoignage qui a été recueilli et enregistré par Cécile Clémenceau, donc comédienne, pour la préparation de cette balade autour de Mai 68 dans le quartier latin, ce retour au quartier latin qui sera disponible en balade géolocalisée. Donc à la fin de cette semaine, on pourra se promener avec son téléphone portable et vous écouter, ainsi que d'autres historiennes, historiens, témoins et des archives de mai 68 en se promenant tout autour de la Sorbonne jusqu'à l'Odéon. Voilà ce que disait donc un des témoins de votre livre Mai 68, un pavé dans leur histoire, qui raconte les itinéraires de ceux et celles qui sont entrés dans mai 68 avant et puis qui en sont sortis et ce qu'elles sont ou qu'ils sont devenus. Cette question, vous l'avez trouvée très fréquemment chez les militantes que vous avez croisées. Est-ce qu'on entre dans une organisation? Est-ce qu'on se crée sa propre organisation? Comment parle-t-on? À qui parle-t-on? Oui, elle s'est posée de manière plus particulière aux femmes, effectivement, qui, notamment aux jeunes femmes qui vont se politiser avec la crise de mai 68, hein, où il y a une entrée en résonance de crise personnelle vécue jusque-là sur le mode individuel, de crise contre l'ordre moral, familial, conjugal, et puis qui ces crises individuelles vécues, voire même sur le mode de la culpabilité, qui rentrent en résonance avec la crise politique. Et du coup, une prise de conscience politique assez rapide, et avec effectivement après le questionnement de que vais-je faire politiquement. Et donc un certain nombre de femmes, dont celle dont on a repris le témoignage, rentrent dans des organisations politiques d'extrême-gauche, mais ils constatent bien vite qu'ils veulent changer le monde, mais qu'ils n'ont pas forcément changé la domination masculine, et donc elles subissent un pouvoir masculin qu'elles vont bientôt remettre en cause, pour certaines en créant des organisations politiques, pour d'autres en créant des sections femmes dans les organisations syndicales ou partisanes. Enfin, après, il y aura plein de manières, excusez-moi, mais effectivement, ce que disait la Katia, que j'ai reconnue, c'est cette déception aussi, quelque part, d'être dans des organisations les plus radicales, mais de se rendre compte qu'elles ont beau être les plus radicales sur le plan de l'extrême-gauche, il y a un certain nombre de rapports de domination qui n'ont pas été vraiment remis en cause encore. On y reviendra parce que ça sera une des thématiques évidemment de cette émission d'aujourd'hui. Camille Masclet, bonjour. Bonjour. Vous avez recueilli avec d'autres, donc pour cette grande enquête dont on a déjà parlé avec Olivier Filliol dans l'émission de lundi qui s'appelait l'enquête Sombrero, avec ce groupe de chercheuses et de chercheurs qui travaillent depuis 5 ans à recueillir des témoignages dans toute la France autour de ce mouvement de mai 68. Vous avez recueilli plus de 100 témoignages de femmes que vous avez interrogées autour de cette question. Est-ce que ce que vous venez d'entendre, tel que ça a été restitué par la comédienne Cécile Clémenceau, de ce témoignage tiré du livre de Julie Pagis, vous dit quelque chose et correspond à ce que vous avez pu retrouver par ailleurs dans les témoignages de ces femmes que vous avez interrogées? Oui, tout à fait. Donc nous, la particularité de notre enquête, c'est d'avoir travaillé effectivement sur 5 villes françaises en dehors de Paris, qui était donc cette grande enquête collective qui s'appelle Sombrero. Et à l'intérieur de cette enquête, on s'est intéressé en particulier aux mobilisations féministes. Donc on est une dizaine de chercheuses à avoir travaillé sur les mouvements féministes tels qu'ils se sont déployés dans les années 68 et sur les trajectoires des femmes qui ont participé. Et dans les témoignages donc qu'on a recueillis, hein, on a réalisé 115 entretiens avec des femmes qui ont participé à ces mouvements, donc à Rennes, Lille, Nantes, Lyon et Marseille. Et c'est effectivement des propos qu'on a pu entendre de la même tonalité que ceux recueillis par Julie et évoqués là dans le début de l'émission sur ce vécu au sein des organisations politiques et ce vécu des inégalités de genre. Alors on va y revenir en l'occurrence. Bibia Pavard, vous êtes vous aussi une historienne spécialisée dans les femmes et le genre, l'histoire des femmes et du genre. Et vous avez... dans ce mai 68, fait une petite part, c'est un que sais-je, donc il faut vraiment synthétiser en 126 pages la totalité de ce mouvement, ce qui est une gageure. Vous avez fait une petite place à un mouvement qui est rarement mentionné, sauf chez les historiennes et les historiens du féminisme et du genre, à savoir ce mouvement qui s'appelait Féminin, Masculin, Avenir, qui ne naît pas en 68, mais qui naît à l'automne 1967, Bibia Pavard. Oui, tout à fait. Ça permet d'évoquer aussi le renouveau des questions féministes et des mobilisations féministes avant mai-juin 68. Le fait qu'il y a notamment des organisations qui commencent à réfléchir au féminisme. Alors, il y a le mouvement démocratique féminin qui rassemble des femmes socialistes un peu plus âgées qui réfléchissent justement à la place des femmes dans le socialisme et à la place des femmes dans la société. Et à l'intérieur, ça appartient à la Convention républicaine, le mouvement démocratique féminin. Ça se rattache ensuite effectivement au mouvement de François Mitterrand, elles vont, ces femmes, soutenir Mitterrand pour l'élection présidentielle de 1965. Et ensuite, il y a donc une branche jeune, on va dire, des jeunes femmes qui entrent dans cette organisation et qui vont créer ce petit groupe Féminin Masculin Avenir, qui réfléchit notamment au rapport homme-femme. C'est un mouvement mixte, à la question de la sexualité, et qui va vivre pleinement les événements de mai et juin 68 à la Sorbonne, en organisant notamment un débat à la Sorbonne sur la place des femmes dans la Révolution. Et c'est intéressant parce que justement on va avoir une forme de radicalisation de ce groupe après mai-juin 68 qui va changer de nom et devenir... Féminisme marxiste, action, exactement, c'est ça ? Exactement. Alors il y a effectivement dans ce mouvement, c'est du moins ce que disent certaines des fondatrices de ce mouvement Féminin Masculin Avenir, l'impact assez fort du travail de Colette Audry, bien connue de Séverine Yatard qui a consacré sa thèse, donc qui travaille à la Fabrique de l'Histoire, qui a consacré sa thèse à son œuvre, mais aussi Yvette Roudy, qui est déjà là. Elles ont toutes les deux publié La femme mystifiée de Betty Friedan, donc, qui est un livre qui vient des États-Unis juste avant le mouvement de 1968. Et cela a eu des conséquences, justement, sur la prise de conscience, non seulement des femmes ouvrières, de leurs conditions ouvrières, mais aussi des femmes dites bourgeoises qui, elles aussi, subissent une domination masculine. Ce livre a de l'importance, Bibia Pavard, dans cette prise de conscience autour de mai 68 ? Oui, alors ce livre-là, et puis plus généralement, une génération de femmes intellectuelles qui, depuis les années 50, alors évidemment, on peut remonter à Simone de Beauvoir et au deuxième sexe en 1949, mais aussi à toutes les intellectuelles qui publient dans le sillage de ce livre et qui ont bien été étudiées par l'historienne Sylvie Chaperon et qui produisent des ouvrages sur la condition des femmes dans la société des années 60, qui vont être lus par une jeune génération qui vont s'en inspirer pour entrer dans leur engagement. Et c'est vrai qu'on oublie souvent qu'Yvette Roudy est la traductrice de La femme mystifiée de Betty Friedan en français. Donc des formes de circulation aussi transnationale par ces textes qui jouent un rôle important dans la conscientisation, la conscience de genre de plusieurs générations. Dominique Tabat, bonjour. Bonjour. Vous n'étiez pas prévu pour venir au micro, mais je profite de votre présence puisque vous avez été une des actrices de Mai 68, que vous participez à ce documentaire itinérant que nous mettrons à disposition de nos auditeurs à la fin de cette semaine, qui a été réalisé et conçu par Renaud Dalmar. Et vous avez donné votre témoignage, et en particulier votre témoignage de jeune étudiante étant une année à la Sorbonne, partant ensuite à Nanterre avec votre sœur, et créant une organisation qui n'est pas une organisation féministe, mais une organisation culturelle à Nanterre. Et cette organisation culturelle, eh bien, elle est dirigée, curieusement, par des femmes, alors que beaucoup de ces organisations sont alors dirigées par des femmes. Est-ce que déjà, ce qui a été dit par nos historiennes autour de la table correspond à l'ambiance que vous avez pu percevoir, justement, juste avant 68 et au moment de 68, Dominique Tabat? Je crois que j'en ai pris conscience, finalement, après, en re-réfléchissant à la façon dont était constituée cette organisation qui était à la fois syndicale, culturelle et politique dans une certaine mesure, puisque c'était l'Association des résidents universitaires de Nanterre, et que une des questions qui se posait, c'était la question de la libre circulation. Pour ma part... La libre circulation à l'intérieur du campus à l'intérieur de la cité universitaire, c'est-à-dire que les garçons aient droit de monter chez les filles et inversement. Il y a eu d'ailleurs deux périodes, puisqu'on a d'abord obtenu que les filles puissent monter chez les garçons, mais seulement après que les garçons puissent monter chez les filles. Puisque là, il y avait des réticences du côté même des résidents et de l'opinion publique, dont Madame de Gaulle. Pour ma part, il me semble que j'avais eu une éducation où les filles et les garçons étaient à peu près équivalentes dans ma famille. Enfin, il y avait que deux filles, donc c'était peut-être plus simple. Mais mon père y croyait. Les filles étaient équivalentes. Voilà. Non, mais mon père y croyait vraiment. Et donc, effectivement, je me suis aperçue que la présidence de cette association était tenue par deux filles, présidente et vice-présidente, et il y avait également deux garçons. Mais c'est après, en me disant, en 68, effectivement, les garçons étaient les chefs et les filles étaient quand même derrière. Alors, je vous propose d'écouter une archive, désormais c'est une archive enregistrée il y a une dizaine d'années, de Annette Lévy-Villard, qui a été en particulier à VLR après le mouvement de 68 et est devenue journaliste ensuite. Annette Lévy-Villard qui raconte comment, effectivement, la place qu'elle a occupée pendant les événements de 68 était tout à fait genrée, dirait-on aujourd'hui. Il y avait les services d'ordre des mecs avec leurs casques, leurs matraques ou je sais pas quoi, leurs blousons, qui étaient là au premier rang et qui nous disaient « Et vous, les filles derrière ?» Alors donc, nous, on se battait pour être au premier rang. En même temps, on était toujours refoulés du premier rang. C'est vrai qu'on n'avait pas les casques, on n'avait pas le côté entraînement des trotskistes et des maoïstes et éventuellement des jeunesses communistes. Donc, on était déjà refoulés. Et puis, dans le début du militantisme, on était quand même envoyé à la cuisine. Moi, j'avais eu le malheur de dire à cette époque que je savais taper à la machine. Parce que mon père m'avait dit, une fille doit savoir taper à la machine. Donc, j'avais pris des cours chez Pigier. Alors, j'étais étudiante, parce qu'il m'a dit, on sait jamais. Tu pourras toujours gagner ta vie si tu sais taper à la machine. Bon, donc je savais taper à la machine, j'étais à peu près la seule de cette époque, il n'y a pas un mec qui savait taper à la machine. Donc je me suis retrouvée à taper des tracts. Et alors un jour, je me souviens, j'ai dit, mais je comprends pas, c'est une espèce de truc complètement incompréhensible. Et on me dit, tais-toi et tape. Et donc, j'étais vraiment scandalisée. Donc, je suis partie. J'ai dit, bon, je m'en vais. Et d'ailleurs, je voulais faire un récit sur mai 68 qui s'appellerait « Je n'aurais jamais dû dire que je savais taper à la machine ». C'est un extrait du témoignage qu'avait donné à Séverine Yatin pour le documentaire qui s'appelait « Les filles de mai », donc dans une réalisation de Charlotte Roux, qui avait donné donc Annette Lévy-Villard sur son expérience justement de militante dans ces années 1968-1970. Vous hochiez du bonnet Dominique Tabat sur ce qui était dit. Effectivement, il y avait le fait que c'est les filles qui s'occupaient des aspects très pratiques et puis le peu de prise de parole publique dans les AG des filles. Ça, on en discutera dans la deuxième partie de cette émission parce qu'effectivement, c'est extrêmement important. Julie Pagis, vous avez recueilli le même type de témoignage pour votre travail sur les militants et les militantes de 68 qui a été publié il y a 4 ans maintenant sous le titre « Mai 68, un pavé dans leur histoire ». Oui, tout à fait. Et beaucoup de femmes qui me disent, bon, on parle de la libération de la parole, la libération de la parole, mais moi, je n'osais pas parler que les prises, et le fait que les prises de parole, le fait de la rédaction des tracts, c'était des tâches masculines. Donc, il y avait une vraie division sexuée des tâches militantes. Un témoignage qui m'avait marqué, c'était une enquêtée qui m'avait dit, mais moi, mai 68, je l'ai vécu à 2 pas dans l'ombre de mon mari. Une très forte division des tâches, comme on l'a entendu dans le témoignage d'Annette Lévy-Villard, voilà, qui est à l'image, en fait, de ce qu'est le champ politique au sens plus large français à cette époque-là, malgré, effectivement, la naissance, le FMA qui existe, certains livres, mais il faut toujours avoir en tête que ces livres, aucune de mes enquêtées n'ont cité les livres de ces féministes publiés dans les années 60. Donc, à la fois ces livres, évidemment, ils sont très importants, mais il faut toujours réussir à faire le lien entre la circulation des idées et leur réception. Oui, et la possibilité d'avoir accès justement à ce type de lecture. Camille Masclet, justement, dans ce que vous avez vous-même recueilli pour changer le monde, changer sa vie auprès de plus de 100 femmes qui ont participé aux années 68 en général jusqu'aux années 80. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ce qui a été dit et en particulier de cette question aussi de la violence qui est cette idée que dans une société sexuée, eh bien, les garçons assument la violence de début de cortège et puis les filles se mettent derrière parce que elles ne savent pas, ou on pense qu'elles ne savent pas combattre et donc on va les protéger comme on protégerait quelqu'un de mineur. Oui, c'était très intéressant cette question de ce qu'on appelle la division sexuée du travail militant qui se retrouve à tous les niveaux. Et donc là, au niveau des manifestations, dans la position même dans la manifestation, avec ces modes d'action violents qui sont aussi assez virilistes et qui ont pour conséquence d'exclure les femmes ou en tout cas de les dissuader d'y prendre part. Et nous, on a eu des témoignages parmi les personnes qu'on a rencontrées, qui se sont engagées ensuite dans les mobilisations féministes et qui expliquent comment c'est aussi ce vécu de cette division des tâches à tous les niveaux, et notamment de l'accès à la parole. C'est un aspect qui est aussi important. Réussir à prendre la parole dans les assemblées générales, dans les groupes, c'était extrêmement difficile pour les femmes. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles elles vont ensuite se réunir en non-mixité au début du mouvement féministe. Alors, il y a aussi quelque chose, Bibia Pavard, c'est que souvent on oublie le rôle qu'ont joué les femmes dans ce mouvement de 68. Par exemple, au moment où la police arrête le 3 mai, c'est ce que nous raconte un des témoins, Alain Schnapp, de la Sorbonne dans le documentaire itinérant que nous avons réalisé avec Renaud Dalmar, eh bien, ce sont les filles, les femmes qui ne sont pas arrêtées, qui vont alerter tout le quartier latin pour dire on enlève les militants, ils partent au poste et qui vont d'une certaine façon crier les premières, libérer nos camarades, qui va devenir le slogan qui va être utilisé le 3 mai, en l'occurrence, Bibia Pavard. Oui, tout à fait. Et il ne faut pas oublier qu'elles sont aussi très présentes dans la rue, qu'elles sont aussi présentes dans la confrontation avec la police, comme le montre la belle couverture de l'ouvrage. Cette couverture. Une jeune fille en pull qui se penche en tirant la langue aux policiers qui sont en face d'elle. Et en ramassant un pavé. Donc elles sont là aussi dans la confrontation avec la police. Et ce qu'a montré Michel Zancarini-Fournel en travaillant sur les archives de la police, c'est aussi qu'elles subissent des violences particulières en tant que femmes, des violences genrées. Robes déchirées lors des arrestations, coups systématiques au ventre, gestes obscènes, matraques entre les jambes, dites-vous. Voilà, et donc c'est ce que dit Michel Zancarine Fournel, c'est que il y a une lecture sexuée et sexuelle hein, de cette violence. Elles sont remises à leur place par des gestes obscènes et aussi présentées comme des femmes de mauvaise vie, hein, toujours lorsqu'on veut les décrédibiliser à ce moment-là. Vous veniez d'une autre société, vous aviez vécu dans d'autres pays, Dominique Tabac, avant d'arriver en 1966-67 à Paris. Et de commencer vos études ici, et donc de participer au mouvement de mai 68. Vous avez vécu ce type de violence qui viennent d'être décrites, et comment les perceviez-vous d'une certaine façon par rapport à ce que vous aviez vécu ailleurs, avec une atmosphère qui devait être différente à New York ou dans les autres pays où vous aviez vécu auparavant? Je crois que la division genrée aux États-Unis existait, en tout cas chez les jeunes, exactement de la même manière qu'en France. Et c'était presque pire, puisque c'était difficile de se présenter à une fête sans un dating, ce qui n'était quand même pas très libérateur, finalement. Moi, je l'ai peut-être moins senti, et je me souviens très bien des manifestations où j'ai beaucoup lancé de pavés, malgré tout. Peut-être qu'on n'était pas au premier rang. Et puis peut-être que la question de la violence était en dehors des manifestations, la seule question qui n'était pas la plus importante pour l'association. Voilà, donc je suis pas absolument sûre que c'était pareil. Bibi Pavard. Oui, non, je voulais aussi ajouter que là, pour le moment, on parle plutôt des milieux gauchistes et étudiants, mais qu'il faut pas oublier que la division sexuée des tâches est aussi à l'œuvre dans les occupations d'usines, dans la grève ouvrière, puisque ce qu'a bien montré Xavier Vignat, c'est que ce sont pas les femmes qui dirigent leur propre grève. Il y a des usines de femmes qui sont occupées, mais que les femmes sont renvoyées chez elles la nuit, et qu'il y a toujours un homme pour diriger la grève des femmes à ce moment-là en 68. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les milieux sociaux. Et dans les milieux de la Maison de la Radio, vous savez qu'il y a une exposition qui se tient ces temps-ci autour de Silence Radio, donc ce qui s'est passé, la grève et les répressions d'après cette grève de mai-juin 68 à l'ORTF et donc dans notre bonne Maison de la Radio. Une technicienne témoigne des conditions de travail à l'époque, donc en 1968. J'ai vécu ça comme une seconde naissance, déjà politiquement, parce que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus, à m'investir beaucoup plus, et aussi sur le plan personnel. Et ça jouait effectivement même sur le plan professionnel, parce que effectivement rien n'était fait pour que les femmes qui avaient des enfants puissent continuer à travailler. Hein. Il y avait très peu de crèches, puis de toute façon avec les horaires que nous avions, impossible de mettre les enfants dans une crèche. Donc c'était les femmes qui osaient avoir des enfants et continuer à travailler, surtout dans des métiers. Pourtant, l'ORTF, c'était quand même l'esprit était tolérant quand même. Mais les petits chefs haillons nous disaient il faut que les filles comprennent qu'ici, elles font un métier d'homme. Hein. Bon. Une de mes vieilles amies, qui elle travaillait, était dans les métiers du son aussi, mais en province, me racontait que quand elle sortait avec de la radio avec les camarades techniciens qui allaient boire un verre au café d'en face, et qu'elle les accompagnait, elle a été convoquée par son directeur qui lui a dit « Attention, les femmes ne vont pas au café. Hein. » D'ailleurs, je me souviens, il y avait eu une conférence de presse de l'intersyndicale qui avait eu lieu dans un café qui est au coin, là, en face de la porte B. Le public ne pouvait plus rentrer à la Maison de la Radio, donc on avait fait cette conférence de presse en face. Et je m'étais précipité sur le magnéto pour au moins avoir l'occasion de me servir d'un matériel réservé aux hommes jusque-là. Je ne pouvais pas aller travailler en extérieur. Les extérieurs étaient interdits aux femmes. Voilà donc les conditions de travail de 68, y compris à la Maison de la Radio, qui, dit Nicole, donc interviewée ici, était pourtant plus libérale a priori pour embaucher des femmes dans des métiers d'hommes. Camille Masclé, cette question de la division sexuée dans le travail et aussi donc la nécessité de desserrer l'étau après 1968, vous l'avez retrouvée aussi dans vos témoignages pour changer le monde, changer sa vie? Oui, tout à fait. Et un aspect en particulier qu'on entend bien là dans les propos qu'on vient d'entendre et qu'on a retrouvé dans nos témoignages, c'est l'aspect de surveillance en fait des femmes, de leurs pratiques, de leurs relations, de leur corps, de leur sexualité. Donc là, ça passe par le fait d'avoir des remontrances parce qu'on va au café avec les hommes. Mais c'est vrai que dans les témoignages qu'on a recueillis, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ce sentiment d'enfermement et de surveillance hein, des pratiques et de la sexualité des femmes au cours de cette période hein, dans les années 60. Julie Pagis, vous êtes d'accord ? Oui, justement, je voulais rebondir puisque dans ce témoignage, ça m'a vraiment fait penser à une enquêtée qui était lycéenne juste avant 68 et qui me racontait que ça l'avait choquée, qu'une fille avait été appelée par la directrice puis sanctionnée parce qu'elle avait embrassé conjugalement son petit ami et c'était à l'extérieur du lycée. Et donc, il y avait eu un conseil de discipline. Elle me dit, mais vous rendez pas compte, c'était l'idéologie tantivone, on n'avait pas le droit de mettre de pantalon. D'autres qui me disent, la concierge me surveillait. Si je ramenais un homme dans mon immeuble, elle allait me dénoncer. Donc, effectivement, il faut on oublie. Et puis, c'est vrai que on a du mal à s'imaginer que les rôles féminins avant 68 se limitaient un peu à ceux de filles, d'épouses et de mères desquelles on attendait chasteté, fidélité et soumission. C'est quand même cet ordre-là qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre aussi ce qui va se jouer après. Dominique Tabat. C'est vrai ce que vous dites et je crois que c'était une des questions qu'on abordait aussi dans les réunions sur la sexualité, mais en même temps à Nanterre. Mais en même temps, ça a été la grande période de libéralisation sexuelle quand même et liberté sexuelle, qui malgré tout était le démarrage de formes quand même de plus grande égalité entre hommes et femmes. Oui, c'est aussi ce que l'on note, effectivement, ce qu'on va appeler, et ça va être la deuxième partie de notre émission, aujourd'hui consacrée au rôle des femmes en 1968, Bibia Pavard, ce qu'on appelle le féminisme de la deuxième vague, donc un féministe de la première vague qui naît au tournant du 19e et du 20e siècle avec les revendications des femmes pour avoir des droits politiques, mais pas simplement politiques, et puis ce féminisme de la deuxième vague qui va se nourrir justement de ce qui s'est dit et de ce qui s'est fait ou pas fait pendant ce mouvement de mai 68, Bibia Pavard. Alors c'est vrai que cette terminologie des vagues est très pratique pour montrer les moments de forte mobilisation, les moments de repli, mais qu'aujourd'hui on a tendance aussi à insister sur les continuités. Et d'ailleurs, sur cette question de la libération sexuelle, il ne faut pas oublier que ce qui précède immédiatement mai-juin 68, c'est quand même le vote de la loi Neuwirth de 1967 qui libéralise la contraception, qui certes est très limitée, notamment pour les jeunes femmes, puisque les mineurs de moins de 21 ans à l'époque doivent avoir une autorisation parentale pour accéder à la pilule ou au stérilet, mais qui vient en fait sanctionner 10 ans de mobilisation du mouvement français pour le planning familial qui a porté sur d'ailleurs, la scène publique. À la Sorbonne, Evelyne Sullereau viendra pour faire signer son livre, distribuer son livre, elle qui était une des fondatrices justement de ce mouvement pour le planning familial. Exactement, donc il y a quand même une réflexion sur la sexualité, sur le bonheur sexuel dans le couple, mais évidemment on parle du couple marié hétérosexuel, légitime. Et ça concerne encore très peu les jeunes filles que l'on incite à garder la virginité avant le mariage, même si évidemment dans les pratiques les choses évoluent. C'est justement ces tensions entre les transformations sociales qui se lient sur un temps plus long et le maintien de cette chape de plomb qui vont faire que il va y avoir certaines formes d'explosion de résistance qui vont pouvoir s'exprimer après mai-juin 68. Et quand on dit effectivement que ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas pendant mai 68 a des conséquences sur la suite, Julie Pagis, en particulier sur la formation de mouvements qui vont se séparer des mouvements politiques plus classiques, qui vont d'une certaine façon se dire que il faut peut-être être entre soi, donc entre femmes, pour pouvoir discuter des problèmes de femmes et ne pas participer à des mouvements qui existent déjà et qui ne comprennent pas véritablement les revendications en train de naître à ce moment-là, Julie Pagis. Bah oui, comme le disait tout à l'heure Camille Masclé, c'est vrai que de ces de ces frustrations à ne pas réussir à pouvoir s'exprimer. Et puis c'est toujours aussi difficile quand on rentre avec pas forcément beaucoup de ressources militantes dans des organisations déjà existantes, tenues par des hommes et construites jusque-là pour des hommes. C'est difficile de se faire entendre, c'est difficile de prendre la parole en public quand on a eu une socialisation féminine voilà, qui laisse davantage la parole aux hommes. Et donc c'est vrai que ça va pouvoir amener certaines femmes à décider de mettre en place des groupes de femmes, ce qu'on a appelé les groupes de femmes, en tout cas des mouvements dans lesquels la non-mixité est devenue une règle. Alors ça n'a pas été le cas de tous les féministes de la seconde vague, bien évidemment, mais cette question-là a été très largement mise en avant dans le mouvement de libération des femmes, dans le MLF, dans les différents groupes de conscience. Après, ça a été aussi une question qui a été très débattue et très controversée au sein, parce que donc il y a aussi les femmes qui ont constituer des groupes femmes au sein de leurs organisations politiques auxquelles elles restaient attachées et qu'elles ne voulaient pas forcément quitter. Donc au sein de la LCR trotskiste, il y a eu femmes travailleuses en lutte, donc et au sein donc du PSU, donc dans cette large enquête qu'on a fait avec la NR Sombrero là depuis 5 ans, on voit ces différentes tensions, on voit des femmes syndicalistes qui à la fois prennent conscience que moi je me rappelle d'une syndicaliste de la CFD au PSU et qui était membre du PSU et qui était syndicaliste à la CFDT qui disait ah nous on était contre la non-mixité parce que quand même après nous quand même on aime les hommes. Et après, en même temps, dans la même phrase, juste un peu après, elle reconnaissait que finalement, quand par hasard, elle faisait des réunions ou à l'ordre du jour, il y avait quand même des questions féminines, il se trouvait qu'il n'y avait pas d'hommes et que, étonnamment, elle était beaucoup plus libre pour parler. Donc voilà, cette question, la non-mixité, elle a vraiment traversé, elle a été très controversée dans tous ces différents segments de l'espace féministe, voilà, avec des solutions différentes. Camille Masclet. Sur la non-mixité, il faut vraiment souligner le caractère subversif en fait de ce mode d'action qui, à l'époque, hein, donc qui est choisi pour toutes les raisons qu'on vient de dire, hein, les militantes qui deviennent féministes se rendent compte qu'elles ne peuvent pas se faire entendre hein, dans ces sphères mixtes et qu'elles ont besoin d'être en non-mixité aussi pour analyser leur oppression. Et c'est extrêmement subversif et ça engendre des réactions très très violentes de la part des militants hommes et notamment de leurs camarades gauchistes. On sait par exemple qu'une des premières réunions en non-mixité qui a lieu à Vincennes en juin 1970 hein, donne lieu à des attaques, des insultes avec des menaces de violence. Hein, vous êtes mal baisé, on va vous baiser, etc. Qui fera le ménage? Donc vraiment cette réassignation aussi à sa place de femme et à ses tâches maternelles auxquelles les militantes féministes hein, répondent « la révolution fera le ménage ». Et ce qu'on a montré aussi avec un collègue, Alban Jacquemart, sur cette histoire de la non-mixité, de la mixité dans les mouvements féministes des années 68, c'est comment les femmes elles-mêmes doivent acclimater, donc doivent s'acclimater, doivent se socialiser progressivement à ce mode d'action qui n'est pas évident pour elles non plus et dont elles doivent prendre, dont elles réalisent progressivement la pertinence. Un extrait justement des Filles de mai, ce documentaire de Séverine Yatin pour la Fabrique de l'Histoire, c'était exactement il y a 10 ans, le 13 mai 2008. Mais les filles qui sont plus armées, les filles qui ont déjà beaucoup discuté, il faut absolument qu'elles discutent dans des groupes mixtes parce que dans notre travail, on est tous ensemble face au patronat, à l'État, etc. Et on lutte ensemble. Il faut que là aussi, on acquiert notre place et c'est qu'en étant avec eux qu'on acquiera cette place. C'est pas en se défilant dans des groupes. Mais actuellement, ce qui fait la force des groupes femmes, c'est justement qu'ils soient autonomes. Si les hommes, encore une fois, viennent dans les groupes femmes pour par démagogie, pour essayer de récupérer le mouvement, alors on retombera toujours pareil. La non-mixité, elle est tout de suite apparue comme fondatrice. Françoise Pic. Parce que ça a été une découverte. La façon dont on parlait entre femmes, c'était pas du tout la même chose que quand on était avec des hommes. Non seulement il y avait une différence dans la hiérarchie, c'est-à-dire que les hommes prennent la parole beaucoup plus que les femmes, mais il y avait une différence dans le contenu, dans la façon de s'exprimer, dans le niveau de la politique qu'on exprimait. Un extrait donc du documentaire de Séverine Yatin pour la Fabrique de l'Histoire, Les Filles de mai, Bibia Pavard. Il y avait un extrait de film, on a entendu, de 1968, où il y avait tension entre deux militantes qui n'étaient pas forcément d'accord sur cette question de la mixité ou de la non-mixité, et puis Françoise Pic qui dit que c'était une parole libérée. Oui, c'est vrai que ces groupes entièrement féminins, c'est vraiment un lieu de libération de la parole. On parle beaucoup de libération de la parole aujourd'hui autour de MeToo, mais c'est vrai que ce moment 70, c'est aussi un moment de libération de la parole où on parle de l'oppression spécifique, où on parle de sexualité. C'est aussi une façon de contester les rapports de pouvoir au sein du mouvement féministe, hein, de ne pas vouloir de chef, de vouloir une organisation qui soit non hiérarchisée. Donc c'est vraiment une volonté aussi de prendre en charge son propre mouvement dans la lignée des mouvements des Noirs américains, par exemple. Mmh. Donc c'est vraiment une invention politique importante. En même temps, il y a des espaces de mixité dans le mouvement féministe, dans des organisations politiques, mais aussi, par exemple, dans le mouvement pour la liberté de l'avortement, il y a des espaces mixtes, les manifestations peuvent être mixtes aussi. Donc voilà, il y a une diversité de lieux d'expression à ce moment-là. Dominique Tabin, en tant que militante dans ces années 68-70, vous avez été tiraillée entre ces deux positions ou vous avez choisi tout de suite une des deux positions, participer à des groupes mixtes ou continuer ou participer à des groupes non mixtes, justement, pour parler de la condition des femmes? Moi, je me suis assez peu posé la question, finalement, et je connaissais pas si bien que ça les mouvements féministes à cette époque. Et finalement, l'engagement politique, qui était mixte, hein, dans des mouvements, dans des partis, ne s'est pas posé pour moi à ce moment-là, en tout cas. C'est plus tard que c'est venu, peut-être ? Différemment, je pense, oui. Alors, une des questions qui se pose et qui a été posée par un historien américain, Todd Shepard, dans un de ses derniers livres qui s'appelle « Mal de domination », c'est une des questions aussi de rapport de classe entre féministes donc militants ou militantes des causes tiers-mondistes, par exemple. Todd Shepard rappelle dans ce livre « Mal de domination », l'espèce de fantasme européens et français en particulier autour de l'Algérie, de l'Algérien, de l'Algérienne et des relations sexuelles qu'il pouvait y avoir de façon fantasmatique entre les Européens et les Algériens. Et il parle de l'homosexualité, il parle aussi de la question des viols qui a été une question qui a été évoquée dans les années 70 en particulier. Au début des années 70, quand certaines jeunes filles ont été violées par des Algériens de travailleurs sur le sol français à ce moment-là, où une sorte de tiraillement a eu lieu entre la volonté justement de tendre la main, de faire un travail militant auprès des Algériens qui étaient de conditions difficiles, conditions sociales difficiles, et de l'autre côté cette question du féminisme qui dit de se dire alors, on ne peut pas se laisser dominer, d'autant qu'une partie du mouvement gauchiste disait tout cela, c'est une autre histoire, pourrait-on dire. Camille Masclet, vous avez retrouvé ces questions-là dans les entretiens que vous aviez eus avec d'autres pour changer le monde, changer sa vie, en particulier dans toute la France et non pas simplement à Paris? Alors, on a retrouvé, dans notre enquête, on l'a essentiellement retrouvé puisqu'on a aussi retracé l'histoire, en fait, des mobilisations féministes telles qu'elles se sont déployées, donc, dans les cinq villes qu'on a étudiées. Et en retraçant l'histoire, on a été amené à voir comment est-ce que la campagne, la mobilisation contre les violences qui commence, donc, qui est menée par les féministes et qui commence dans les années 70, se décline aussi, hein, dans les différentes villes et quels sont, avec les différents modes d'action. Avec un slogan qui s'était, autant je me souviens, dans les... Séverine Yatta avait fait un documentaire qui s'appelait « Viol de nuit, terre des hommes ». C'était un des slogans effectivement très, très dur de Tout à fait, et qui notamment scandé dans ces manifestations de nuit qui ont lieu dans les différentes villes à partir de 78. Et on a pu voir comment ce mode d'action se diffuse en France dans différentes villes. Et donc ce débat, qui est un débat compliqué, qui a très bien étudié aussi Pauline Delage dans ses travaux sur la politisation des violences en France sous l'effet du mouvement féministe en comparaison avec les États-Unis, effectivement, on accuse les féministes de stigmatiser, en dénonçant les violences, hein, du coup, de stigmatiser certaines populations en particulier. Et ce qui renvoie finalement à un débat un peu plus général aussi, qui est celui de l'origine sociale des militantes féministes, hein, qu'on accuse aussi toujours d'être des bourgeoises, mm-hmm, ou de servir la bourgeoisie, qui était donc un instrument important de de discrédit des féministes, alors même que, par exemple, dans notre enquête, et c'est ça qui était intéressant, dans la partie d'analyse des trajectoires, et notamment quantitative, on a pu montrer qu'en termes d'origine sociale, évidemment, elles n'étaient pas du tout plus bourgeoises que leurs camarades gauchistes, et au contraire, qu'elles avaient des origines sociales plutôt modestes. Mmh. Bibia Pavard, cette question est une question intéressante et importante, parce qu'aujourd'hui, on parle d'intersectionnalité, par exemple, donc de cette idée qu'il faudrait croiser justement tout un tas de données pour pouvoir s'apercevoir quelles sont les trajectoires de domination dans la société contemporaine, et bien cette question était déjà posée sans qu'on ait trouvé le mot ou le terme à ce moment-là dans les années 70. Oui, ça pose la question du sujet politique du féminisme, parce que ce qui caractérise vraiment les années 68, c'est ce « nous les femmes » hein, qui est porté par ce mouvement féministe, mais en même temps, dès le début des années 70, il y a des divisions politiques importantes. Alors, vous avez évoqué plusieurs choses, l'homosexualité d'abord, hein, ces groupes de femmes sont aussi des lieux où on parle d'homosexualité, où on découvre son homosexualité, et aussi où les militantes lesbiennes commencent à reprocher aux hétérosexuels de ne pas prendre en charge leur lutte, alors qu'elles sont très investies dans les luttes aux côtés des hétérosexuels. Il y a aussi la question en fait des rapports de classe, avec les différences entre les féministes luttes de classe, qui sont beaucoup plus impliquées sur les luttes ouvrières, dans les quartiers populaires. Et puis il y a aussi la question des femmes issues de l'immigration en France à ce moment-là, qui commencent aussi à avoir une voix dans des groupes spécifiques, des femmes féministes d'Amérique latine, des femmes issues du Maghreb, des femmes noires qui, avec le livre de Hawa Thiam, La parole aux négresses. Donc il y a vraiment aussi une diversification de ce sujet politique et des tensions qui peuvent émerger de ces différentes identités et de ces différentes luttes qui peuvent évidemment à certains moments converger, mais qui peuvent aussi être des forces d'éclatement dans certains contextes. Julie Pagis. Oui, en vous écoutant, moi, ça fait écho pour moi avec une lecture qui a été très importante et qui, celle de Freedom Summer par le politiste américain Doug McAdam, qui a travaillé justement sur l'été 1964 où des étudiantes et des étudiants blancs des universités nord-américaines sont allés dans le Mississippi pour participer au mouvement des droits civiques des Noirs américains d'inscription et où il y avait déjà se poser cette question. Donc on est en 64 et les recrutements, on ne pose pas les mêmes questions aux femmes étudiantes et aux hommes parce qu'ils ne vont pas tous être acceptés parce que ça va être un militantisme extrêmement dangereux, il va y avoir des lynchages, des morts, etc. Et un certain nombre de femmes racontent comment est-ce que effectivement déjà il y avait ce fantasme, cette peur, cette impensée de relations sexuelles entre les femmes blanches et les hommes noirs, et avec déjà le fait que à l'inverse par contre c'est pas symétrique. Et donc effectivement dans cette consubstantialité des rapports de domination, je pense que ce qui est très compliqué, c'est qu'il faudrait penser justement ces rapports de domination comme se co-construisant et ne pas les hiérarchiser. Et je pense aussi qu'il faut dissocier ce qu'on a dit jusque-là et aussi de quand même des fois une instrumentalisation du féminisme au nom en fait de comme quand on dit qu'on va aller intervenir faire la guerre dans je ne sais quel pays parce que les femmes y sont oppressées. Des fois c'est une instrumentalisation politique du féminisme. Donc je pense qu'en fait cette question passionnante, extrêmement sensible vise souvent quand même à monter les uns contre les autres, alors que effectivement, quand on enquête, quand on fait la sociologie de l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a différents rapports de domination qui se nourrissent, qui se co-construisent et qui malheureusement des fois sont instrumentalisés par les uns et par les autres pour les faire passer au second plan, comme ça a pu l'être effectivement entre le féminisme et un certain nombre d'organisations d'extrême gauche. Qu'est-ce que votre travail collectif pour changer le monde, changer sa vie en interrogeant de façon très longue beaucoup de témoins de ces événements des années 60 et 70, Camille Masclet, a changé à l'idée que vous aviez auparavant, par exemple, de ce qu'était ce mouvement des femmes en tant que travaillant sur ce sujet, parce que vous avez rencontré un grand nombre de témoins, et effectivement, peut-être on voit bouger les lignes, on voit apparaître des nuances, des subtilités qu'on n'avait pas imaginées en tant que chercheuse comme vous l'êtes, Camille Masclet. Alors en effet, cette enquête, elle nous a quand même amené à sa particularité, comme je disais, vraiment de décentrer le regard, hein, donc de Paris et de l'échelle nationale où avaient été étudiées majoritairement les luttes féministes et les actrices féministes, à une diversité grâce à ces grandes métropoles régionales où on a étudié donc ces mouvements. Et en décentrant le regard, évidemment, on est amené à revisiter un certain nombre d'idées qui avaient pu, ou d'interprétations, ou d'analyses, ou parfois d'idées du sens commun aussi, hein, qui avaient pu être associées au féminisme des années 70. Lesquelles, par exemple ? Et alors, il y en a un certain nombre. C'est à la fois sur l'histoire et aussi sur les parcours des militantes. Sur l'histoire, je peux mentionner, par exemple, le fait qu'on a travaillé donc dans un des chapitres sur la question du rapport aux institutions. On a beaucoup l'idée que les féministes des années 70 étaient dans un rapport de contestation par rapport aux institutions, et notamment aux institutions politiques, et qu'au contraire, c'est plutôt dans les années 80 que là, le mouvement s'institutionnaliserait et qu'on rentrerait dans un rapport de dialogue et de coopération avec les institutions. Ce qu'on montre quand on entre par l'échelle locale, c'est qu'en fait, dès les années 70, dans certaines villes, les militantes féministes, y compris hein, les groupes les plus qui sont dans les mouvances un peu radicales, vont entretenir des relations avec les institutions du champ politique local, donc avec les municipalités, ce qui bien sûr peut être lié à la coloration des municipalités, donc c'est en particulier le cas dans certaines villes qui sont déjà socialistes à l'époque ou qui le deviennent. Donc c'est 77, c'est le cas voilà, de Marseille qui l'est déjà, hein, où là vraiment il y a un féminisme qui se développe grâce à l'action du CODIF, grâce à Jeanne Mazel, et qui est très proche de la municipalité, qui va permettre aussi d'octroyer des ressources à l'ensemble du mouvement. Et dans les villes où ça bascule en 77, hein, comme à Rennes ou à Nantes, les féministes vont aussi penser que c'est un moment opportun pour faire davantage entendre leurs revendications et pour obtenir le soutien des municipalités, ce qui ne sera pas toujours le cas. Mais en tout cas, elles sont loin de cette position unanime de distance aux institutions qu'on a pu parfois extrapoler à partir de ce qui se passait dans le cas du MLF parisien. Mmh. Bibia Pavard, c'est une des vertus justement que de lancer de grandes enquêtes comme celle-ci, parce qu'elles permettent justement de sortir des grandes masses et de rentrer dans des itinéraires particuliers. C'est ce qu'a fait Julie Pagis aussi pour son livre il y a 4 ans, et ce qui est donc le cas de Se changer le monde, changer sa vie, d'un seul coup, en reprenant l'itinéraire d'une femme qui a participé à autre chose qu'à mai 68, puis ensuite qui a peut-être participé à 68 et qui a continué son engagement féministe par exemple après, eh bien on nuance tout un tas de choses que l'on croyait savoir, parce que chaque itinéraire est singulier. Bibia Pavard ? Oui, en fait, les travaux sur les mouvements féministes vont dans le même sens que les travaux sur les années 68 plus généralement. On a vraiment élargi la chronologie. Hein. Tous ces travaux nouveaux permettent de vraiment montrer comment les mobilisations s'ancrent dans les années 60 et se déploient dans les années 70. Et on en vient même à nuancer ce que fait très bien Camille Masclé, la borne des années 80 qui était souvent prise comme un moment de fin. Hein. Au contraire, au niveau local, il peut se passer beaucoup de choses après. Au début des années 80. On a aussi vraiment beaucoup de travaux qui viennent penser les échelles imbriquées, donc l'échelle très locale, l'échelle de la ville, l'échelle nationale, et puis évidemment les circulations transnationales qui jouent un rôle très important aussi dans le film des années 70. Et puis, ce qui est vraiment très important aussi dans les nouvelles études, c'est de montrer la diversité des expériences de ce féminisme qui ne se résume pas à des expériences qui sont très connues, qui ont été beaucoup racontées et qui viennent parfois masquer, qui font écran. En fait, c'est vraiment cette surconnaissance de certains parcours qui laisse dans l'ombre une diversité d'expériences de ce féminisme des années 70. Dominique Tabat, en tant que témoin au milieu de toutes ces historiennes. Moi, il me semble que à cette époque, une des difficultés, c'était de savoir s'il fallait ressembler aux hommes pour prendre le pouvoir, ou si on pouvait allier quelque chose de l'ordre de notre féminité et de la prise de parole. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du genre, et il y a beaucoup d'études là-dessus, mais je crois qu'à l'époque, on était démunis d'outils pour penser ces questions-là. Et ça, vous l'avez ressenti à divers moments de votre carrière, après 68, justement, Dominique Tabat ? Est-ce qu'il fallait être un garçon manqué, ou comment est-ce qu'on pouvait prendre le pouvoir ? Et j'ai été très fière à un moment d'être directrice et d'avoir un secrétaire masculin. ce qui me paraissait être une belle vengeance sur le fait que je ne savais pas taper à la machine. Julie Pagis, sur ces questions justement d'itinéraire qui font le sel de votre propre travail. Peut-être parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais c'est vrai que ce qu'on voit dans les reconversions post-68 sur les effets aussi du militantisme féministe, je pense à une enquêtée qui devient universitaire, chercheuse et qui travaille sur le genre. Donc effectivement, dans les différentes formes de reconversion, il y a celles qui, après le militantisme féministe, l'ont apporté dans les métiers du care, dans des enquêtées qui étaient sages-femmes et qui donc ont mis en pratique un certain nombre d'idéaux féministes dans leur métier, et il y a effectivement celles qui ont fait avancer les théorisations, notamment effectivement qu'on connaît aujourd'hui et qui n'étaient pas forcément à disposition et pas sous cette forme au début des années 70. Donc on peut trouver aussi effectivement dans les itinéraires comme ça, quand on va voir les trajectoires des gens, des formes de reconversion où le féminisme a pu effectivement mener à des trajectoires universitaires qui ont questionné et qui ont fait avancer la réflexion sur ces rapport de domination fabriquée. Camille Masclé, pour conclure. Oui, c'est vrai que c'est un aspect qui est très important dans notre enquête collective, hein, c'est de réfléchir à ce que sont devenus ces militants et militantes en général, et les militantes féministes en particulier. Et pour rebondir sur ce que disait Bibia auparavant, sur, encore une fois, décentrer le regard par rapport à ce qu'on connaît à partir des récits de certaines militantes plus visibilisées, précisément, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'elles sont assez peu à avoir prolongé leur engagement féministe dans la sphère académique, dans les différentes villes qu'on a étudiées. Les militantes, c'est plutôt une reconversion qui est assez rare, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser et ce qui a été montré sur les féministes parisiennes. Et puis j'ai appris ce matin qu'en Grande-Bretagne, devant le Parlement britannique, on venait d'inaugurer ce matin une statue à une féministe de la première vague, Millicent Fawcett, c'était une façon pour la Grande-Bretagne de reconnaître l'octroi du droit de vote aux femmes. C'était il y a 100 ans, bien avant la France. Et aussi, c'était il y a quelques semaines, nous avons appris avec bonheur que la ville de Rennes allait consacrer une rue à une grande historienne des femmes, une grande militante de la cause des femmes, qui s'appelait Colette Cognier, qui a été auteure, entre autres, de Parcours de femmes à Rennes. Et donc, dans le futur quartier Saint-Martin, la municipalité de Rennes vient d'annoncer qu'elle aurait sa rue, donc la rue Colette Cognier. On sait très bien qu'il manque beaucoup de rues de femmes et de féministes dans toutes nos villes. Merci à toutes les trois, et merci à Dominique Tabat. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marsay et Francesca Fossati. Pierrick Monsigny était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Beaucoup de livres à citer. Mai 68, jour et nuit, de Christine Forêt dans la collection Découverte Gallimard. Changer le monde, changer sa vie. Donc, vous avez participé avec bien d'autres, Camille Masclé, à ce gros livre sur une enquête sur les militants et les militantes des années 68. Marie-Jo Bonnet, Mon MLF, qui vient de sortir chez Albin Michel, mais aussi un livre que je n'ai pas eu le temps de lire, de Malka Markovitch, qui s'intitule L'autre héritage de 68 et qui traite de la face cachée de la révolution sexuelle chez Albin Michel. Et pour finir, donc, Bibia Pavard, votre livre chez Que sais-je, donc un simple mai 68. Annonçons aussi qu'il y a une exposition donc dans la maison de la radio qui s'intitule Silence Radio, et qu'on peut donc venir la voir pour pouvoir, comme on l'a fait hier, évoquer la grande grève de l'ORTF, et qu'à la fin de cette semaine, donc, il y aura une application à charger sur vos téléphones portables pour visiter le quartier de la Sorbonne avec, entre autres, Julie Pagis, qui était notre invitée, mais aussi Dominique Tabat, que nous avons le plaisir d'avoir accueilli aujourd'hui.